comment vivre avec les images. On parle à juste titre d'un pouvoir des images. On dit qu'il y a aussi un pouvoir des mots, mais on parle parfois, comme dans un slogan célèbre, du choc des photos. Et aujourd'hui, il faudrait parler aussi de l'emprise des images, même parfois d'une guerre des images. Il y a une guerre pour le contrôle des images qui circulent sur des écrans, des mots qui réduisent aussi à des petits tableaux, des tweets qu'on encadre parfois, comme ceux du président Trump il y a quelque temps dans une galerie new-yorkaise ironique sur le pouvoir iconique de mots réduits à des slogans, eh bien justement, ça soulignait le pouvoir destructeur des images quand on ne peut pas les commenter, les situer, les inscrire dans une histoire, les inscrire aussi dans un sens. Au fond, le pouvoir des images est au cœur de notre présent avec sa démultiplication technique, ces tuyaux sur les écrans qui font que les images nous contrôlent bien plus que nous ne nous représentons et que nous ne contrôlons les images elles-mêmes. Mais ce pouvoir des images, d'où vient-il exactement? Est-il d'abord politique, exclusivement politique, une construction idéologique et un rapport de force totalement extérieur, ou bien n'est-il pas encore plus profondément le signe que l'imaginaire, plus même que l'imagination, est une dimension de notre vie? En fait, les images ont un pouvoir politique, un pouvoir idéologique, parce qu'elles ont d'abord un effet vital et même un effet moral. Parce que les images peuvent nous rendre malades, littéralement, peuvent nous faire souffrir psychiquement et physiquement par leur effet même, parce qu'elles ont, dans leur origine même, une source vitale, un effet, elles sont un effet du monde sur nous. Nous gardons l'image d'un sourire bienveillant comme nous gardons l'image d'un coup qui se porte sur nous et peut-être pour toute notre vie. L'imaginaire est ainsi polarisé vitalement. Il y a des images qui nous font du bien, peut-être sont-elles les plus enfouies de façon ingrate au cœur de notre mémoire, et il y a des images qui nous font souffrir et celles-là reviennent obsessionnellement. Il faut, disait Paul Ricoeur, vaincre le traumatisme de l'imaginaire, lutter aussi contre ce qu'il appelait l'imaginaire de la mort. L'imaginaire n'est pas seulement une représentation objective du monde, c'est souffrance ou délivrance. Et le pouvoir politique des images s'appuie, s'agrippe, se greffe sur ce pouvoir vital qui donne lieu aussi à une éthique de l'imaginaire, à une orientation de l'imagination pour lutter contre les pathologies et les régressions de l'imaginaire. Comment vivre avec les images? Ce n'est pas une métaphore, car les sujets vivants en général, les sujets humains en particulier, ne sont pas des tables rases, ne sont pas des surfaces. Ils sont des surfaces peut-être, mais sensibles, et aussi des producteurs d'images. Et vivre avec les images, c'est aussi lutter image contre image, image positive contre image négative, cela au niveau individuel et collectif contre toutes les images destructrices du monde.